Bonsoir, vous êtes sur 106.3 FPP, vous êtes avec le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Aujourd'hui, dans la jungle des luttes, c'est notre programme mensuel du troisième lundi du mois. On est ensemble pour une heure et demie avec des copains du collectif de solidarité avec les inculpés de Vincennes, donc l'incendie du centre de rétention qui a eu lieu le 22 juin. Donc ils nous raconteront un petit peu quelle a été la lutte qui s'est donnée jusqu'à l'incendie, puis le procès et donc ce qui s'ensuit. Et également, je crois qu'on aura l'occasion de parler un petit peu d'autres centres de rétention et d'un certain nombre d'événements donc, en France, mais aussi ailleurs, en Europe et même jusqu'en Australie. Donc on fera un petit tour d'horizon pour un petit peu connecter, enfin essayer en tous les cas de se rappeler que tout ça a un même lien. Enfin le lien là, on va essayer de faire des liens justement entre les luttes. Donc on est content de vous recevoir, Laura et Vincent, merci pour votre présence. Et on a aussi avec nous autour de la table Bakary qui est de l'ENEM, qui est un piquet de grève. Donc on a samedi justement avec le comité de solidarité fait une petite une balade, on appelle ça une balade si on peut dire. On a rendu visite aux copains de la Porte des Lilas où on avait déjà été, pour ceux qui nous écoutent régulièrement, déjà eu l'occasion de leur rendre visite au mois de janvier après la réunion des collectifs européens de solidarité avec les apatistes. Donc on avait terminé notre rencontre à la Porte des Lilas. Donc on a rendu visite aux copains de la Porte des Lilas, aux grévistes. Donc sur la question des réhabilitations, des sans-papiers, il y a aussi des débats qui peuvent s'ouvrir avec peut-être le copain de Montreuil qui vient d'arriver, qui n'est pas encore autour de la table, mais ça ne saurait tarder. Et donc après la Porte des Lilas, on est allé également à Multipro sur le boulevard de Ménilmontant. Donc vous pouvez évidemment continuer à leur rendre visite. Hein. Là, c'était une balade qui a été proposée le samedi, mais on peut toujours continuer à rendre visite sur ces piquets pour les soutenir. Et puis, on avait fini, donc, avant de se retrouver à la CNT, rue des Vignoles, on a été sur le piquet de l'ENEM. Et donc, Bakary nous parlera plus particulièrement de la lutte, de ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Et puis, donc, on aura d'autres invités qui viendront tout à l'heure, qui nous rejoindront à la table. Donc, voilà, on est ensemble encore une heure et demie. On commence tout juste, mais pour commencer, c'est en musique, une petite pause musicale avant de rentrer dans le vif du sujet. Pablo, à la technique. Merci. Estoy decepcionado del clero y el gobierno que extorsiona, enajena, manipula, roba y mata al pueblo. Estoy decepcionado de patrones, hijos inhumanos que explotan al jornalero con salarios miserables, neoliberales perros. Estoy decepcionado, aburrido, fastidiado, ver que existe gente tan vacía, hueca y materialista. Estoy decepcionado de farsantes, hablan de libertad mientras son esclavos. Estoy decepcionado, policías, militares que reprimen, asesinan, autoengañan con la patria. Estoy decepcionado de amistades falsas que pelean, superioridad, quién es menos, quién es más, complejo de inferioridad. Decepcionado con el sistema, decepcionado con esta vida que está enferma, encabronado con todo lo que he mirado. De hoy en adelante la ignorancia voy a quitarte, la venda de tus ojos, desamarrarte, a rescatarte, a reclutarte, a levantarte. Y los carbón y el pueblo entero pa' adelante, ya lo escuchaste, dejemos de ser presa, este es el himno a la pobreza. Estoy decepcionado de televisión y radio, mentiras, manipulación, sueña que eres millonario. Estoy decepcionado de mí mismo por hacer cosas que nunca debieron haber pasado. Estoy decepcionado, retroceso evolutivo que la escuela se ha aferrado, enseñanza a favor del Estado. Estoy decepcionado de tantas masacres, desapariciones y barbaries, gobernantes manchados de sangre. Estoy decepcionado, todos los partidos son fascistas, nacionalistas, neoliberalistas. Estoy decepcionado de los faldos anarquistas sin saber significado de colores que corren por ella misma. Estoy decepcionado de todas las producciones que destrozan sueños de artistas con estúpidas mentiras. Decepcionado con el sistema, decepcionado con esta vida que está enferma, encabronado con todo lo que he mirado. De hoy en adelante la ignorancia voy a quitarte, la venda de tus ojos, desamarrarte, a rescatarte, a reclutarte, a levantarte. Y los carbón y el pueblo entero pa' adelante, ya lo escuchaste. decepcionado de los que exigen un cambio. El cambio piensa en ti, no debes olvidarlo. Estoy decepcionado de la mayoría de ustedes por ser tan dejados y seguir callados soportando. Estoy decepcionado, el deterioro del planeta, matanza animal, sobrepoblación, toda esa mierda. Estoy decepcionado que existen millonarios, casi que gente muere de hambre en la miseria. Si de algo estoy conforme es con la resistencia. La canción no tiene nombre, ponle como quieras. Conforme con lo mío y con la gente de la selva. Los que luchan, los desobedientes, sin rostro, sin voz, pero conciencia. Unidad, igualdad, libertad para todos. Algún día saldrá el sol para nosotros. Decepcionado con el sistema, decepcionado con esta vida que está enferma. Encabronado con todo lo que he mirado. De hoy en adelante la ignorancia voy a quitarte. La venda de tus ojos, desamarrarte, a rescatarte, a reclutarte, a levantarte. Y los carros y el pueblo entero para adelante. Ya lo escuchaste, dejemos de ser presa. Este es el himno a la pobreza. Donc, vous êtes toujours sur FPP 106.3 avec le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte, la jungle des luttes, donc notre programme hebdomadaire, troisième lundi du mois. Vous pouvez aussi le réécouter le jeudi matin, donc je crois à 8h, donc pour ceux qui se lèvent tôt. Et puis sinon, en général, vous pouvez aussi trouver le lien sur le site du CSPCL. Donc c'est cspcl.uvato.org. Et puis il y a la jungle des luttes, qui est le nom de notre programme. Et donc là, il y a le lien pour pouvoir réécouter les émissions si jamais vous avez loupé ou si vous ne pouvez pas rester jusqu'à la fin. Donc je rappelle pour ceux qui ont raté le début qu'on sera avec des copains du collectif de solidarité avec les inculpés de Vincennes. Mais avant, on va parler plutôt concrètement de la lutte des sans-papiers et puis des piquets de grève qui sont donc notamment à l'ONEM avec Bakary. Et puis sur la question des sans-papiers, il y a aussi Diabé qui est arrivé, donc qui est le collectif des sans-papiers de Montreuil. Donc on va laisser d'abord Bakary s'exprimer, expliquer ce qu'il en est, ce qu'il a envie de nous dire. Et puis éventuellement, s'il y a des questions ou des interventions, ben voilà, donc la parole est à toi, Bakary. Merci d'abord d'être là avec nous. Merci à vous. Pardon, excuse-moi. Bonsoir d'abord à tous et à toutes. Ben, nous sommes travailleurs des sans-papiers depuis le 12 octobre où on est en grève. Bon, nous, on est dans le 20e, 10 rue Auger, voilà, dans le 20e arrondissement, 18 salariés. On est occupé des lieux des patrons, voilà, jour et de nuit. Depuis quand vous occupez ? Depuis le 12 octobre, voilà. Nous sommes là-bas, jour et les nuits, occupation est en cours, et négociation aussi en cours avec les patrons, tout ça pour signer le CERFA. Voilà. Peut-être que tu peux expliquer ce que c'est le CERFA, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne savent pas. Oui, le CERFA, ce n'est pas un papier, mais c'est une garantie des papiers, parce qu'il faut le CERFA pour aller à la préfecture, pour demander des régularisations. Voilà. CERFA, c'est un papier que tu peux porter, aller à la préfecture, tu demander des régularisations avec ça, parce que c'est pas trop qui engage et les signer. Cette telle-là, j'ai engagé pour régulariser parce que j'en ai besoin pour travailler, quoi. Voilà, c'est ça qui s'appelle CERFA, quoi. D'accord, donc grâce à CERFA, en fait, vous pouvez éventuellement avoir des papiers. Exact. Ok. Voilà. Et donc ça, c'est les négociations pour que justement le patron qui vous emploie signe ce CERFA de manière à ce que vous puissiez les déposer en préfecture. Voilà. Et donc, les 18 personnes sont toutes dans le même cadre, dans la même situation. Exact. On est tous même situation. On a commencé ensemble. On voudrait que ça termine ensemble aussi. Voilà. Peut-être que tu peux raconter. Donc, en fait, les grévistes de la rue Auger, ils occupent la boîte de travaux publics, hein, la boîte de BTP dans laquelle ils ont travaillé plusieurs années. Et en fait, ils étaient embauchés dans cette boîte de BTP à travers une boîte d'intérim. Et donc, les négociations, elles sont menées à la fois avec la boîte de travaux publics et la boîte d'intérim pour que les deux participent à la régularisation des 18 et prennent leurs responsabilités dans le fait de les avoir fait travailler tant d'années. Et donc, voilà, au départ, c'est la boîte de BTP pardon, qui a été utilisée et la boîte d'intérim ne voulait pas négocier. Et donc, il y a eu, la nécessité de mettre la pression sur le patron aussi de la boîte d'intérim pour négocier. Et ça, c'est assez récent et ça a permis de débloquer la situation. Donc peut-être que tu peux nous raconter justement concrètement comment ça se passe pour mettre la pression sur les patrons après l'occupation déjà de la boîte de BTP. qui s'est assise aux tables de négociation après des semaines d'occupation. Et puis la boîte d'intérim, donc MCM intérim. Oui, depuis le 3 mars qu'on est occupé, parce qu'on savait très bien qu'on n'arrive pas à faire d'autre chose, parce que ça fait 3-4 mois, on n'est pas vu des résultats, ni pas trop, ni rien du tout, pas de négociations, rien du tout. On avait dit, bah, écoute, si on n'est pas occupé, sa boîte-là, on ne change rien du tout, quoi. Il n'y a rien qui change, quoi. Du coup, le 3 mars, si on a occupé sa boîte-là, c'est juste à côté des gardes du Nord, rue Saint-Vincent-Paul, 22 rue Saint-Vincent-Paul. Mais du coup, on a occupé sa boîte-là jusqu'à maintenant. Il a accepté pour venir faire des négociations avec nous. Voilà, bah, du coup, franchement, il est engagé sur un signé de CERFA. On n'est pas à résultat, on n'est pas à résultat concret à la main, mais pour l'instant, j'espère que ça va venir quand même. Et du coup, vous avez mené donc votre lutte, vous, en tant qu'employé, travailleur. Ouais. Et il y a des syndicats avec vous ou... Il y a des syndicats avec nous, ce n'est pas nous seuls, parce qu'on est 6 000 travailleurs des sans-papiers, voilà, 6 000 travailleurs et des travailleuses de l'Île-de-France depuis le 12 octobre jusqu'à maintenant. Voilà. Et qu'on veut, le gouvernement, il nous donne les tests et les critères, on peut le dire comme ça, les critères qu'on peut régulariser avec ça. Parce qu'il y a des gens qui sont là, ils travaillent. Ils payent des sécurités sociales, ils payent des impôts comme tous les autres. Quoi. Bon, on veut que si on peut avoir des critères avec le gouvernement français, comme ça on sera régularisé comme tout le monde. Ben, on continue à travailler, on continue à payer des cotisations comme tout le monde. Et donc sur les 6000 travailleurs là, qui sont en grève, je suppose que chacun s'organise sur son piquet. Ouais. Mais vous avez tous les mêmes revendications. On est dans les mêmes bateaux, quoi. C'est-à-dire, on est dans les mêmes bateaux parce que chaque 2-3 semaines, on fait la réunion ensemble. On dit des réunions de délégués. On s'est vus, on discutait ensemble. Voilà, on est dans les mêmes bateaux. On a commencé ensemble, on veut qu'on termine ensemble. Voilà, pour tout le monde. Et il y a une coordination des différents piquets de grève. Ouais. Qui se réunit régulièrement. Exact, comme notre camarade qui sont en porte de Lille, vous allez voir des samedis passés, là, il y a Multipro aussi, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup, oui, des sites dans les Paris, voilà, c'est ça. Et est-ce que tu peux nous raconter comment, concrètement, on arrive à tenir 5 mois de grève parce que comme ça, là, ça a l'air d'être facile. D'être facile. Mais 5 mois de grève, quand même, c'est super long. Et concrètement, voilà, comment vous avez réussi à tenir? Bon, franchement, 5 mois de grève, c'est pas facile du tout. Franchement, c'est dur. Parce que 5 mois sans travail, bon, franchement, c'est dur. Mais on est obligé de tenir, quoi. On peut pas lâcher. Voilà, on veut le résultat, quoi. Voilà, moi, je pense qu'un jour, on sera à avoir notre victoire quand même. Mais franchement, ce n'est pas facile du tout, mais il faut que tout le monde y tienne. C'est ça que j'ai dit à tout le monde, mes camarades, il faut qu'on continue quand même. On ne peut pas lâcher, mais il faut qu'on continue. Voilà. Et par rapport à ça, il y a des comités de soutien. Les soutiens aussi qui passent sur les piquets. Comment vous vous organisez? Comment ça fonctionne avec ces comités de soutien? Est-ce que tu peux nous raconter un peu le quotidien un petit peu de ces piquets, du fonctionnement? Oui, les comités de soutien, je remercie tous les comités de soutien qui viennent nous voir. Ils porteront des cafés, beaucoup, beaucoup de choses, des manger, tout ça. Je remercie tous les comités de soutien et surtout des 20e, parce que nous, on est dans les 20e. Bon, je remercie tous les comités de soutien qui viennent nous voir et porter des choses. Bon, franchement, je veux qu'ils continuent à nous soutenir jusqu'au bout, parce qu'on n'est pas encore terminé. La lutte, ça continue. Je veux qu'ils continuent à nous soutenir. On a besoin de soutien encore, de plus que ça. Franchement, je remercie à tout ce qu'ils ont fait. Encore, je veux qu'ils continuent avec nous jusqu'à termination. Et du coup, là, si vous avez votre CERFA, on discutait de ça l'autre fois. C'était un peu pour les gens qui ne sont pas au courant. Donc, ce CERFA qui te permet de déposer les dossiers en préfecture, en retour, la proposition, c'est d'avoir donc des documents, des papiers qui ne sont pas véritablement des papiers, puisqu'en réalité, ça donne juste le droit d'être... de travailler pour un an, c'est ça? Et donc, du coup, ça, vous le voyez comment, en fait? Parce que ça se passe comment au bout d'un an après? Comment vous... Ça dépend des contrats. Parce qu'il y a certains patrons qui signent des CDI. C'est okay. Pas un an seulement. C'est CDI, quoi. Il y a certains patrons aussi, ils signent des CDD. Bon, là, c'est pas la même cas. Bon, mais on verra quand même. Bon. Au moment venu. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, à chaque jour suffit sa peine. Voilà, parce qu'il faut voir que du coup là, dans la régularisation par le travail, avec la nouvelle circulaire là, du 24 novembre. Effectivement, donc quand ça pour tous les travailleurs en intérim, hein, qui sont l'essentiel des travailleurs grévistes, c'est des intérimaires dans le nettoyage, dans le BTP, dans la restauration. D'avoir le CERFA, c'est pas suffisant. Hein, il faut un certain nombre de papiers. Il faut aussi prouver 5 ans de présence en France. Donc c'est quand même très exigeant. Et ça ne permet d'avoir qu'une carte de séjour d'un an qui n'est renouvelable qu'à la condition que l'année suivante, de nouveau, il y ait un contrat d'engagement d'un patron pour... donc, c'est 8 mois de travail sur les 12 prochains mois. Voilà, donc c'est hyper précaire. Et déjà, obtenir ces CERFA, c'est compliqué. Obtenir ces contrats, c'est compliqué. Mais il faut savoir que, par exemple, dans le cadre de la lutte de Man BTP l'année dernière, qui a permis de la régularisation de... Alors, je n'ai pas le chiffre précis, mais ils étaient plus de 80. Ils étaient 89 et la très grande majorité a eu des papiers, ce qui n'a pas été le cas de tout le monde quand même. Hein, il faut préciser que ce n'est pas parce que les dossiers sont montés et qu'on a les CERFA que la préfecture régularise automatiquement. Ce n'est pas du tout vrai. Mais cette année, de nouveau, eh ben, il y en a pas mal qui sont dans la galère pour réussir à remonter un dossier et à obtenir, voilà, et à pouvoir déposer un dossier en préfecture qui permette de nouveau une carte de séjour, de nouveau précaire, etc. etc. quoi. Voilà, donc on est quand même dans des conditions de régularisation extrêmement dures dans le cadre du travail. Voilà. Enfin, pas que dans le cadre du travail d'ailleurs, mais là on parle d'un mouvement sur le travail. Concrètement. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait une petite pause musicale et puis on reprend où il y a des questions là à Bakary. Vas-y. Peut-être quelques questions parce que nous, au niveau des collectifs des sans-papiers, on constate qu'il y a des problèmes en fait au niveau de piquets de grève, c'est-à-dire que au niveau des CERFA et tout, on sait que si jamais pour le renouvellement, tu l'as dit, si la personne n'a pas obtenu un contrat, le papier ne pourra pas être renouvelé. Donc ce que j'aimerais savoir, c'est qu'au niveau de piquet de grève, comment réagissent en fait justement les sans-papiers par rapport à ça ? Mais effectivement, nous, on n'est pas les collectifs. Nous, on est travailleurs des sans-papiers avec les syndicats. Mais nous sommes, c'est pour ça qu'on a demandé les CERFA pour aller régulariser. Mais les collectifs, bon, moi, je ne connais pas très bien les collectifs. Bon, en tout cas, nous, on est avec les syndicats. C'est pour cela qu'on a demandé les CERFA. Les CERFA, comme elle l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas un papier de garantie, quoi. Mais ça, quand même, ça peut porter des choses que tu seras régularisé avec ça, quoi. Mais bon, du coup... Comme elle l'a dit, bah, si tu n'as pas travaillé dans plusieurs années, bon, pour renouveler ta carte, ça va être dur. C'est vrai. Bon, mais c'est pour cela qu'on demandait les patrons, ils signent des CDI. Voilà. CDI, c'est pour cela qu'on demandait les patrons, ils signent un CDI. Voilà, comme ça, bah, même l'année prochaine, l'année suivante, vous pouvez renouveler ta carte. Non, mais parce que ce que j'ai dit, c'est pas, je ne veux pas rejeter la faute sur les syndicats ou sur les travailleurs sans papier. Moi, ce qui me concerne, je pense que même ceux qui sont dans les collectifs des sans-papiers sont des travailleurs d'une manière ou d'une autre. Mmh. Mais après, notre combat, on l'apporte autrement. C'est-à-dire, c'est des collectifs des sans-papiers. On aimerait que le combat soit autonome dans le sens où il faut pouvoir mobiliser, il faut qu'on arrive à mettre en place de rapports de force pour justement essayer de sortir dans cette logique des critères. Après, ceux qui ont eu la chance de travailler dans les boîtes, effectivement, lorsqu'il y a une grève, bon, c'est avec les syndicats et tout ça, c'est bien. Mais après, je pense qu'il y a une difficulté pour la suite, quoi, en fait. Comme quoi, et la difficulté justement, toujours au niveau de, comme elle dit, c'est des trucs précaires, très, très précaires. Alors, ce qu'on essaie d'imaginer dans la lutte au niveau des collectifs des sans-papiers, c'est, par exemple, lorsque cette loi il a été proposée en 2006, là, parce que ces critères maintenant qui sont en cours de négociations comme ça, ils ont été prévus dans la loi CZA en 2006. Et nous avons essayé de lutter contre cette loi pour que ça passe pas et tout ça. Mais bon, malheureusement, la loi, il est passé. Et maintenant, on lutte pour que les critères qui sont prévus dans cette loi soient valables pour tout le monde. Or, on sait qu'il y a un problème. C'est-à-dire que ça soit collectif sans papier ou association ou syndicat, on voit tous ces problèmes-là. Donc, ce que je pose, c'est que j'aimerais le poser aussi dans les collectifs des sans-papiers. Ce qu'ils imaginent maintenant, c'est qu'il y a, pour sortir, essayer un peu de sortir dans les critères qui sont proposés par les gouvernements, ils visent à mobiliser beaucoup de gens, c'est-à-dire qui sont dans les boîtes et pas dans les boîtes, mais essayer de se mettre d'accord sur des logiques qui peut permettre en fait la régularisation de tous les sans-papiers. Tous les sans-papiers, oui, parce que ce qu'ils proposent, c'est des critères de présence, en fait. Que chaque dossier qu'on présente à la préfecture soit pris en compte, que les dossiers de présence qui sont souvent pas acceptés, genre courrier de la poste, courrier des amis qui vous écrivent, courrier des... Pour en fait pouvoir déposer d'un dossier à partir de 6, 7, 8 ans jusqu'à 10 ans, à ce moment, les critères qui n'existaient pas. Et en fait, moi, j'aimerais savoir s'il y a un débat, en fait, à l'intérieur des piquets par rapport à ça, en fait, pour sortir des logiques de... Parce qu'on ne peut pas, de toute façon, les gouvernements, ils vont toujours imposer des critères. Cette loi, elle a été votée. Il y a des critères qui ont été mis en place. On a vu que c'était la galère pour certains, que c'était pas du tout possible. Et la mobilisation qui est sortie de là a fait qu'on a mis d'autres critères en place. Donc, je pense que ça va toujours aller dans ce sens-là. Mais voilà, en fait, c'est une question plutôt que moi je pose. S'il y a des débats, si les travailleurs qui sont en grève actuellement sont conscients de ces problèmes-là. C'est-à-dire que, bon, bah, cette année, peut-être, j'ai obtenu les CERFA, mais peut-être l'année prochaine... ça sera un problème et en fait, le combat, il n'est pas vraiment terminé. Quoi. Très bien ta question là, mais par contre, nous, c'est pour cela que je t'ai dit tout à l'heure, nous sommes travailleurs sans papier. Nous, nous ne sommes pas des collectifs. Moi, je ne connais pas de situation des collectifs là, très bien. Mais depuis le 12 octobre, nous sommes commencé les grèves. On est 6000 travailleurs et des travailleuses sans papier. Mais par contre, le 24 novembre dernier là, M. Besson, ils ont donné des circulaires que ça ne nous convient pas. Parce que 5 ans de présence sur le territoire français, etc., 12 mois, s'accompagner par 18 mois, etc., etc. Bon, franchement, on a fait la réunion, on avait dit, ben, franchement, les 7 circulaires-là, ça ne nous convient pas. Ça ne nous va pas du tout parce que... Il y a beaucoup de monde qui sont dans les mouvements, là, ils travaillent, mais ils ne sont pas eu des 5 ans. Ici, si on acceptait ça, c'est-à-dire que les mouvements, ça va... Ça va diviser, quoi. C'est-à-dire que même pas moitié, il n'arrive pas à régulariser. Mais du coup, on avait dit, bon, on ne voulait pas ça. Il faut un autre critère, soit circulaire. Bon, comme ça, on sera régularisé avec ça. Mais jusqu'à maintenant, ben, on n'a pas eu des réponses au côté d'Arcos, au côté Besso. On n'a pas eu de réponses d'abord, mais toujours, ben, on tentait des choses pour, comme ça, ils peuvent nous donner, quoi. Voilà. Parce qu'en fait, ce qu'il faut dire, c'est que aussi par rapport à ce mouvement-là des 6000 travailleurs en grève, il n'y avait pas une volonté seulement de régulariser les 6000 travailleurs, mais de montrer l'importance de cette situation, hein, de milliers de personnes, et à travers cette visibilité, à travers ce mouvement, d'essayer de forcer le gouvernement à changer les critères et à assouplir les choses et à régulariser ces milliers de personnes qui sont sur le territoire français, comme tu le dis, qui sont tous des travailleurs, déclarés, pas déclarés, sans emploi pour le moment, enfin, peu importe, hein, de toute façon, je veux dire, tout le monde est actif d'une manière ou d'une autre, quoi. Mais voilà, l'idée, c'était pas seulement d'obtenir la régularisation de chacun, mais vraiment de faire pression, voilà, pour relancer le débat sur la régularisation des sans-papiers. Malheureusement, effectivement, on est dans un contexte politique extrêmement dur et la circulaire qui est tombée au mois de novembre n'est pas du tout satisfaisante, bien au contraire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, bah, c'est compliqué parce qu'il y a à la fois ces 5 mois de grève et que donc il y a quand même la volonté pour les piquets d'obtenir D'obtenir satisfaction quoi, pour les copains en grève. Mais il y a aussi toute la préoccupation de nous, on n'a pas commencé cette lutte juste pour nous, on a commencé cette lutte pour tous les autres. Mais aujourd'hui, voilà, comment on se positionne et qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on est en période d'élection, donc on sait bien que de toute façon, il n'y a rien qui va se débloquer là. Mais il y a un débat, en tout cas, à ce sujet-là, qui n'est pas tranché aujourd'hui. Quoi. On fait une petite pause et on se retrouve tout de suite. La jungle des luttes avec le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Aujourd'hui, on est avec des copains du collectif de solidarité avec les inculpés de Vincennes, avec Bakary qui est sur le piquet de grève. Donc, depuis le mois d'octobre, on parlait donc de ça, des travailleurs qui étaient en lutte pour avoir une régularisation de leur situation. Et également avec Diabé qui est du collectif des sans-papiers de Montreuil. Donc, on parlait de de l'étau qui se resserre toujours de plus en plus avec la difficulté à avoir des situations régularisées, avec le fait que là, il y a une lutte qui se donne au nom du travail, qui est en même temps donc restreint, même si c'était au départ pour tous, mais en même temps, ça restreint, c'est des critères qui réduisent toujours les possibilités de la régularisation des dizaines de milliers de sans-papiers qu'il y a en France. Et en tous les cas, donc nous, là, on est sur l'Île-de-France. Donc, on rappelait qu'il y avait 6 000 travailleurs qui étaient en grève depuis le mois d'octobre. Il y avait aussi, cette question-là qui peut peut-être ressurgir sur la question de l'économie, de ce fonctionnement économique, le système étant là. Est-ce que ces sans-papiers ne servent pas justement parce qu'ils sont sans-papiers et pas seulement parce que c'est des mains-d'œuvre? Parce que c'est de la main-d'œuvre corvéable, mais justement parce qu'elle est sans papier, qu'il y a peut-être un intérêt à justement laisser ces gens dans cette situation. Évidemment. C'est-à-dire qu'en fait, essentiellement d'ailleurs, le BTP, le nettoyage et la restauration sont des secteurs qui fonctionnent sur à partir de la main-d'œuvre intérim des travailleurs sans papier. C'est pas de l'intérim. L'intérim est censé être quand même de l'emploi de remplacement, de. Petite marge de manœuvre dans le monde du travail pour sur des emplois qu'on ne peut pas pérenniser. Mais aujourd'hui, ce sont des dizaines de milliers de travailleurs qui travaillent dans l'intérim sur des emplois qui pourraient être des emplois fixes, sur des chantiers, dans des restaurants, dans des entreprises de nettoyage, et en particulier des travailleurs sans papier. Donc ces boîtes d'intérim, pendant des années, demander aux sans-papiers des faux papiers et se contenter de faux papiers pour les employer. Par exemple, dans le cas de NM, ce sont des personnes qui ont travaillé 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans dans la même boîte de BTP à travers la même boîte d'intérim, ce qui est complètement hallucinant, quoi. Et donc, à partir des lois plus récentes, 2007, je crois, si je ne me trompe pas, les employeurs devaient faire remonter les papiers de leurs travailleurs à la préfecture. Donc, les travailleurs ont commencé à travailler sous le nom d'autres personnes. Évidemment, aujourd'hui, les patrons font « mais on ne savait pas que ce n'était pas lui, que ce n'était pas son nom ». Alors que, évidemment, les mêmes personnes ont travaillé avec le même patron sous 2, 3, 4 noms différents. Donc tout le monde est au courant. On a un secteur économique, des secteurs économiques entiers qui fonctionnent là-dessus, qui fonctionnent sur de l'intérim, alors qu'on on parle d'emploi stable, et sur les travailleurs sans papier. Parce qu'on sait très bien qu'on peut leur mettre la pression, c'est des petits contrats de 2 jours, d'une semaine. Si les mecs, ils n'acceptent pas de travailler un petit peu plus tard, un petit peu plus dur, leur contrat ne sera pas renouvelé, etc. etc. quoi. Donc on est vraiment dans des pratiques esclavagistes. Donc pas, évidemment, pas de vacances, pas de congés, aucun droit, quoi. Voilà, donc on parle pas de quelque chose de ponctuel ou de réducteur dans certains secteurs. On parle vraiment de pans entiers de l'économie qui fonctionnent là-dessus. Si je peux rajouter juste quelque chose par rapport à ce que tu dis, nous, on vient là parler des centres de rétention et en fait, je voyais tout de suite le lien, c'est pour ça que je voulais prendre la parole maintenant. C'est que justement, dans ce que tu dis, les centres de rétention, ils ont une place assez importante puisque c'est un des appareils de régulation des flux migratoires. Et d'ailleurs, tous les autres appareils de ce genre de contrôle aux frontières, ça sert aussi à ça. Et c'est cette gestion des flux, elle est faite aussi pour exploiter un peu plus et un peu mieux les gens à l'intérieur. C'est-à-dire que les gens qui sont sans papier et qui travaillent, s'ils se mettent en grève comme le font les camarades là qui sont en grève depuis 5 mois, et s'ils osent justement faire ce genre de choses et qu'ils ne sont pas assez nombreux et qu'ils sont un peu trop isolés, ils risquent assez rapidement de se faire arrêter, envoyer en centre de rétention et expulser. Il y a cette menace-là qui existe et elle existe aussi à travers donc, le centre de rétention qui permet à la fois la mesure punitive de l'enfermement, à la fois d'expulser le plus de gens, puisque plus on construit de centres, plus on peut expulser de sans-papiers. Et du coup, ça a vraiment, tout ça a une cohérence dans une politique migratoire qui vise à contrôler et exploiter le plus possible les sans-papiers, quoi. Voilà. Diabé, tu voulais aussi parler, parce que je pense qu'il y a la question des frontières, puis il y a justement ce rapport avec la question de l'Afrique, c'est-à-dire qu'effectivement, nous, on est en Europe avec une Europe qui protège ses frontières, qui s'arme toujours un peu plus pour pouvoir maîtriser justement les flux, les gens exploiter, dominer, spolier, etc. Puis il y a aussi ce rapport aussi avec la question de France-Afrique, dont voulait nous parler Diabé, je crois qu'il avait... De toute façon, on sait que, qu'ils n'arriveront pas à contrôler comme ils voudront ou à stopper les voyages des gens comme ils voudront. Donc, c'est clair qu'ils feront subir et une partie de nous vont mourir dans ce truc-là. Mais c'est la réalité montre aujourd'hui que c'est impossible, quoi. Notamment dont la libre circulation... voilà quoi, c'est un combat que nous essayons de se battre là-dessus. Je vais faire les liens avec l'Afrique, on sait concernant le contrôle des flux migratoires et tout ça, c'est pas seulement l'Europe, c'est aussi l'Afrique qui participe depuis à l'Afrique en acceptant la construction de centres de rétention depuis en Afrique, en acceptant la politique de délivrance des laissés-passer par les biais d'une politique d'aide publique au développement qui est déjà corrompue, en acceptant toutes les saloperies qui pouvaient être vues dans cette affaire-là. Nous savons que aussi l'aide qui est faite à nos États n'arrivera pas de toute façon à développer, voire à donner une survie à tous les gens qui essayent de partir, parce que c'est une aide qui est déjà corrompue à la base et que la population n'en voyera jamais la couleur, et que les gens essayent de s'organiser eux-mêmes justement en allant chercher ailleurs. Et on se retrouve ici, travailleurs, machin et tout. Mais aussi au-delà de ça, je pense que les immigrés ou les sans-papiers doivent être conscients de l'enjeu sur la question de libre circulation. Parce que les papiers, c'est un faux problème. Malheureusement, ici ou ailleurs, on ne peut pas... sur qu'il est sans ces papiers-là, mais on sait que c'est un faux problème à côté de notre réalité, quoi. Moi, je voulais peut-être, parce que des fois, on a du mal à imaginer à quel point ça fait la frontière, mais peut-être tu peux le dire. On a un certain nombre d'amis ou etc. où le fait de pas avoir jamais accès aux papiers, beaucoup de gens, ils se retrouvent. Est-ce qu'ils sont partis, où il y a des personnes, elles partent et en même temps, elles ont envie de revenir quelques années après ou un an après, voir la famille, etc. Et ça fait une prison, quoi. Ça veut dire qu'une fois que t'es passé... Ou quelques mois, ouais. Et une fois que t'es passé d'un côté et que tu vois comment tu galères pour tes papiers, tu te dis, si tu repars, tu vas perdre toute... tu vas repartir sans rien du tout. Donc, les gens, tout le monde s'accroche, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, de ne pas voir sa famille, de ne pas voir ses enfants, etc. Et là où il faut voir que les papiers, ce n'est pas juste... Une petite lutte, c'est que ça permet d'avoir la liberté aussi de pouvoir voyager, quoi. Et de pouvoir revoir aussi sa famille, de pouvoir revoir aussi l'endroit où on a grandi, etc., quoi. Que des choses qui étaient possibles pour plein de gens avant, sans que ça pose de problème dans les années 60, 70, etc. Et qu'ils sont devenus extrêmement difficiles. Et du coup, ça fait des situations super difficiles entre pour les personnes, pour les familles, pour les villages, quoi, et pour les gens qui sont... Donc ça fait comme... que ça soit d'un côté ou de l'autre, ça crée vraiment une frontière qui est super dure. Après, moi, je pensais à ça, mais là, il y a beaucoup de gens qui sont en grève et qui viennent tous de la même région. Par exemple, il y en a beaucoup qui viennent de la région de Kayes au Mali, La région de Caille, ça fait depuis 40 ans que l'État français il utilise les gens de cette région-là pour venir travailler dans les entreprises françaises. Il y a plein de gens qui ont été incités à venir travailler en France, dans les chantiers, dans l'automobile, etc., dans les années 60, 70. C'est pour ça qu'il y a les foyers des travailleurs. Des foyers des travailleurs migrants qui avaient été construits, et il y a des foyers un peu partout en région parisienne, ils datent de cette époque-là. Toute cette région-là où les gens ils servent de main-d'œuvre, ils ont été utilisés pour les entreprises depuis super longtemps. Cette région-là, elle reste l'une des plus pauvres du Mali, alors que c'est la région aussi où il y a toutes les mines. En ce moment, il y a plein de mines d'or quoi, qui sont utilisées, exploitées. Elles sont exploitées par qui ? Par des entreprises canadiennes, sud-africaines, avec des fonds français, etc., etc., dans des conditions. Super grave, avec énormément de des gens qui meurent à cause des rejets de cyanure, etc. Et il y a ça en parallèle quoi. Donc il y a aussi tout le discours de dire ouais mais ils sont en train d'envahir, qu'il faudrait stopper les flux migratoires, etc., que c'est pas vrai, ça a toujours existé. C'est la France qui est venue coloniser plein d'endroits. Les pays occidentaux, ils continuent à exploiter, etc. Et les gens, ils sont obligés après aussi de chercher une manière de vivre, chacun à sa manière, justement, de manière un peu plus autonome, en essayant de se débrouiller pour trouver l'argent, pour aider aussi les gens qui sont au pays. Et ça, le fait d'avoir ces problèmes de papier, ça casse beaucoup de gens, beaucoup d'individus quoi. Et puis comme on le disait tout à l'heure aussi, cette situation, elle fait qu'aussi en vivant en France, il y a la peur permanente d'être arrêté, il y a le fait que si on a un problème de santé, on n'a pas les moyens d'être soigné, qu'on n'a aucun droit et qu'on se retrouve ici dans un pays dans lequel on va bosser et puis après on rentre chez soi et on sort pas trop parce que on a sans arrêt peur d'être arrêté, de pas pouvoir de se retrouver en centre de rétention, de pas avoir le droit d'être malade, de pas avoir le droit de rien en fait, à part bosser, trimer, et d'être complètement bloqué dans cette situation là quoi. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le fait de pas pouvoir repartir, mais même ici de vivre dans des conditions d'enfermement et de peur permanente quoi. Ouais, quand je parlais de faux problèmes de papier, c'est justement par rapport à ses origines quoi que j'ai dit ça. Et c'est pas sur les gens qui je vais dire arrêter de lutter, c'est un non, c'est ce qu'on fait tous quotidiennement pour obtenir des papiers et tout. Ce que j'ai dit, c'est que j'ai envie que dans le mouvement de Sans Papiers, on arrive à approfondir un peu nos analyses et les discours sur la réalité. Ce qu'on entend dans le média, dans le politique et tout, les immigrés, ils viennent pour profiter de prestations sociales, des trucs comme ça, de la France et tout. On sait qu'il y a des travailleurs sans papiers ici. On sait que quand un bulletin de paye, tu cotises les cotisations sociales. Donc, et c'est les immigrés qui bénéficient de ça ou c'est la France qui bénéficie de ça. Donc, c'est des questions souvent. Et puis, en faisant les liens, effectivement, avec l'Afrique, c'est-à-dire nos États, comment ils s'impliquent dans ça. Et c'est là où j'ai envie de dire que c'est un faux problème par rapport à nous-mêmes, quoi. C'est-à-dire que nos États, aujourd'hui, tous les pays africains ont signé les accords de réadmission, les accords concernant l'expulsion et tout. Le Mali reste encore le seul pays qui n'a pas signé. L'aide qu'on fait, c'est pour justement ces travailleurs africains ou sans papier qui viennent ici pour que leur pays puisse... c'est un modèle de toute façon qui vont présenter que nous, on ne sera jamais acteur de ces trucs-là. Donc c'est là où je parle de des faux problèmes. La réalité, elle est que bon, bah, le mec, il se lève, ou les nanas ou quoi, il se lève 5h du mat, il prend le métro. Voilà, les plus drôles histoires, c'est les sans-papiers qui ont été arrêtés au ministère. Je ne sais plus quel ministère, mais il y avait des sans-papiers qui travaillaient là-dedans et qui se font arrêter, et qui a fait un scandale médiatique et tout. L'histoire, on n'a pas suivi au final ce qui s'est passé. Les gars, ils étaient peut-être libérés, régularisés et tout en douceur. On ne sait pas. Mais il y a plein de cas comme ça qui se passent. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, moi, j'ai envie que dans le lutte des sans-papiers, on arrive à poser les vrais problèmes, voilà, autour des créations de frontières. Depuis tant d'années, les immigrés sont maintenus dans une situation... de toute façon, qu'on n'est pas responsable et ils veulent qu'on soit responsable de ça. D'où on entend de l'immigration subie et non choisie. Enfin, c'est la France qui veut choisir, mais il ne va pas subir et c'est nous qui va subir. Et il y a plein de trucs comme ça qui est dans le discours des politiques et tout, quoi. Et quand je vois un mouvement de sans-papiers qui ne parle pas de centre de rétention, oui, ça me touche beaucoup parce que qui passe dans les centres de rétention, c'est les sans-papiers. Quand je vois le mouvement de sans-papiers qui parle pas, qui essaye pas de batailler un peu sur la libre circulation et tout, ça me touche parce que c'est nous qui bénéficie pas des libres circulations. Donc c'est des choses qu'il faut le poser, voilà. Et que l'on soit dans le collectif des sans-papiers ou dans le piquet de grève, c'est important. Et je pense que quand on est dans un mouvement comme le piquet de grève, avec la présence des syndicats et tout, c'est des moments aussi qu'on peut profiter de poser un certain nombre de questions qui n'ont pas été posées, et notamment dans le cadre de la lutte syndicale, quoi, vis-à-vis des travailleurs immigrés. Donc nos parents, ils ont lutté... sur autre chose dans les années 60, 70, notamment ce qui était dit sur l'obtention de logements, des logements collectifs, des foyers et tout. Mais aujourd'hui, ces foyers-là, ils sont attaqués. Et nous, la jeune génération, on ne se pose pas souvent la question de comment ont été obtenus ces logements-là. Donc c'est important, je pense, je sais pas si tu peux rajouter un peu hein, quelque chose, mais... Mais ouais, je pense que en fait, c'est vrai qu'il y a une époque en France, c'était acquis la régularisation des papiers, enfin régularisation de tous les sans-papiers, c'était quelque chose d'acquis, mais qui en même temps avait peut-être pas tant ouvert. Je pense à 96 par exemple, où la société en général était assez mobilisée sur ces questions des sans-papiers, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, au niveau des débats, c'est pas quelque chose qui est très récurrent. Ou en fait, je pense justement, que ça. Il y a plus de mobilisation oui, là-dessus. Mais c'est ce que je voulais dire. Dans ces années-là. Oui, mais c'est ce que je voulais dire, c'est-à-dire qu'il y a des mobilisations, mais elles sont pas très visible, et il se passe effectivement plein de choses, et c'est pour ça que nous on est content que vous soyez là pour rendre un petit peu plus visible, toujours un petit peu plus, et puis aussi peut-être pour faire réagir les uns les autres, c'est-à-dire qu'en fait souvent comme toutes les luttes on est assez divisés les uns les autres, et pourtant on a tout savoir, c'est-à-dire le collectif pour la destruction des centres de rétention, même si c'est pas ça la question elle est... enfin je veux dire c'est pas ça l'intitulé, mais la question c'est quand même en finir avec les centres de rétention, de tous les centres de rétention, quoi. C'est quand même un petit peu ça l'objectif, comme quand on réclame des papiers pour tous, c'est aussi quelque part dire ben voilà pour tous, parce que de toute façon c'est tous ou personne, et puis finalement ou pas de papier, enfin effectivement. Donc voilà, et c'est important de se rencontrer, de pouvoir aussi ouvrir des discussions, et c'est-à-dire que même si là, dans une lutte de syndicats, et donc peut-être très cadrée de par le fait qu'il y a les syndicats qui, eux, ne pourront peut-être pas franchir des limites. Donc, en fait, le truc, c'est effectivement, il y a les syndicats et une lutte à mener sur la question du travail, mais il y a aussi peut-être les personnes elles-mêmes, en tant que personnes, qui peuvent aussi, même si toi, tu ne connaissais pas les collectifs, par exemple, tu peux juste t'y intéresser ou relayer les paroles, et puis... pour réfléchir et discuter, pour que petit à petit ça avance, ou oui, ça avance au moins. Et nous relayer l'inverse, c'est ça qui est. Enfin, après, je sais pas, faudrait que vous parliez aussi, faut qu'on parle un peu sur Vincennes, mais souvent ce qui se passe, c'est vrai que. Enfin, moi, ce que j'ai trouvé bien dans la balade qu'on a fait, ou etc., c'est que des fois, on voit tous ces mouvements de manière. extérieur, vachement global. Et que là où c'est intéressant, c'est justement quand on apprend à se rendre visite, à se rencontrer, voir aussi là, vous, les cas concrets où vous avez été bloqué dans votre lutte, aussi par rapport au patron de l'intérim et tout, le fait que ça puisse se débloquer. Des fois, c'est vrai que sur un piquet ou dans plein de choses, en fait, on est isolé, quoi. Et même si la question, bah, de l'extérieur, tout le monde a l'impression qu'en fait, il y a du monde, en fait, au quotidien, bah, ça fait très peu de personnes, ça fait pas tant de personnes que ça. Et c'est... Et voilà, c'est d'où l'importance de se connaître, d'aller voir sur les piquets de grève, d'aller discuter à Baudelic, d'aller voir aussi, de s'intéresser à ce qui se passe à Vincennes aussi, parce que c'était quelque chose d'important aussi. Voilà, par exemple, la pression sur... parce que là, c'est vrai que tout le monde parle, on parle beaucoup des régularisations, mais faut voir aussi, et ça c'est super important, voilà, et en même temps les expulsions elles continuent, le chiffre d'expulsions chaque année il n'a jamais été aussi nombreux. Cette année au même, au-delà du chiffre qui était prévu. Ouais, au-delà, peut-être vous pouvez raconter, et ça cette pression-là, on l'a subi, enfin bon, toutes les personnes qui partent travailler ou qui vivent ou qui se déplacent et qui n'ont pas de papier, bah, cette pression-là, elle est quotidienne dans les transports en commun, etc. Et elle ressurgit sur tout le monde aussi, quoi, parce que c'est la multiplication des contrôles dans la rue, dans les quartiers. Et voilà, c'est pareil, c'est intéressant de voir comment aussi on essaye d'empêcher un peu aussi la pression sur les arrestations, sur se mobiliser collectivement aussi par rapport à ça. On va peut-être faire une petite pause et puis justement, on reviendra plus précisément sur le cas du centre de rétention de Vincennes. Et je ne sais pas si Bakary va rester avec nous jusqu'à la fin ou tu t'es curieux de rester. Tu vas rester ? Bon. Donc on reste tous ensemble jusqu'à la fin. Après une petite pause musicale, on poursuit. Bajamos de las montañas cargando en nuestras mochilas a nuestros muertos y a nuestra historia. Venimos a la ciudad a buscar la patria que nos había olvidado en el último rincón del país, el rincón más solitario, el más pobre, el más sucio, el peor. We'll be right back. 106.3 FPP avec le comité Chiapas. Hein, on n'a qu'à s'appeler le comité Chiapas, ça va plus vite. On est dans la jungle des luttes, donc on va peut-être revenir sur le cas, sur la question du centre de rétention et plus précisément au début sur la question de l'incendie du centre de rétention de Vincennes qui a eu lieu au mois de juin 2008. Donc on va peut-être revenir un petit peu sur la lutte et puis jusqu'à l'incendie avec. Vincent, donc je répète que c'est le collectif de solidarité avec les inculpés de Vincennes. Donc, en fait, pour comprendre l'incendie du 22 juin 2008, il faut remonter à peu près 6 mois en arrière avec une lutte qui commence au Ménil-Amelot, dans le centre de rétention à côté de Roissy, à la fin décembre 2007. Où il y a en fait une série de revendications émanant des retenus qui sort à l'extérieur, qui sort à peu près au moment de Noël, avec une répression de la part de la police et de la gendarmerie dans le centre pour éviter que la révolte ne prenne des proportions trop grandes. En fait, la police va mettre un ou deux meneurs, je ne sais plus, dans le centre de rétention de Vincennes. Et en fait, pour eux, c'est une erreur parce que la révolte se propage à ce moment-là à Vincennes. Et donc, c'est autour du Nouvel An. Et à ce moment-là, en fait, donc il y a une autre série de revendications qui sort du centre de rétention, une série de révoltes, de refus de rentrer dans les chambres d'être compté. Et en fait. Il va y avoir à ce moment-là une cristallisation des médias qui vont s'intéresser à cette question-là et des collectifs et je crois même jusqu'à des partis politiques vont défiler devant le centre de rétention de Vincennes en demandant la fermeture de ce centre. Alors ça va durer les 10 premiers jours, les 15 premiers jours du mois de janvier, et puis tout d'un coup, les médias n'en parlent plus, plus personne n'en parle, et pourtant les révoltes continuent à propos de la bouffe, à propos encore du comptage, des conditions matérielles d'existence dans ces centres, du fait d'être enfermé même. Et donc, il faut savoir que on peut rester jusqu'à 32 jours dans un centre de rétention, même s'il y en a qui vont plus loin, vu qu'on peut renouveler aussi les 32 jours à la sortie. Enfin, aujourd'hui, ça ne pose plus de problème. Mais donc, pendant ce temps d'incarcération, la parole aussi entre les retenus se transmet et les moyens de lutter aussi. Et donc pendant jusqu'au 22 juin, en fait, il va y avoir une suite de révoltes. Alors ça commence généralement par des grèves de la faim parce que c'est un moyen individuel et autodestructeur parce qu'on est enfermé, on ne sait plus comment répondre à cette violence de l'enfermement autrement qu'en se faisant du mal. Et peu à peu, des techniques collectives de la part des retenus vont se développer. Et peu à peu, il y a déjà des départs d'incendie. Par exemple, des refus de rentrer dans les chambres, des refus d'être comptés. Il y a des oppositions violentes et des répressions très violentes de la part de la police à l'intérieur du centre de rétention qui régulièrement rentre le soir pour faire rentrer les retenus dans leur chambre. Le 12 ou 13 février 2008, il y a l'usage d'un flashball à l'intérieur, d'un taser à l'intérieur du centre lors d'une révolte des détenus. Et donc, la parole, on est, une série de personnes va essayer d'appeler dans les centres, vu que les médias n'en parlent toujours pas, une série de personnes vont appeler dans les centres pour justement essayer de faire sortir la parole des retenus, pour savoir ce qui se passe, pour essayer d'informer autour et peu à peu, en fait, on arrive comme ça au mois de juin où depuis 6 mois, il y a une révolte, si elle n'est pas permanente, elle est quasi permanente, qui prend de multiples formes. Et on arrive au 21 juin, et le 21 juin, en fait, un retenu, Salem Souli, décède dans le centre de rétention de Vincennes par faute de soins. C'était un détenu malade qui avait besoin de médicaments. On lui a pas donné les médicaments et il est mort. Des compagnons à lui qui l'ont découvert mort dans sa cellule. Les policiers ont joué la comédie tout l'après-midi en disant qu'il était toujours vivant, et c'est qu'une fois que les pompiers qu'il a été pris en charge par les pompiers, qu'il aurait été décédé réellement. Mais c'était jusqu'au point où, alors qu'il était mort et que tout le monde le savait, les policiers lui avaient mis un masque à oxygène pour garder les apparences de la vie. Et ça a révolté les détenus du centre. Et ils se sont posé la question, mais ça, c'en est un, mais ça va nous arriver à tous, et de cette manière-là, de manière atroce, tout simplement. Et donc, les détenus se sont révoltés dès l'après-midi, en essayant avec des départs de feu à l'intérieur du centre. Et le lendemain, les pompiers sont intervenus, les CRS sont rentrés dans le centre, ont maté la révolte. Et le 22 juin, au matin, les détenus se sont dit, on peut pas rester comme ça, on peut pas ne pas rien faire. Et donc il y a eu un appel à une marche silencieuse en hommage à Salem Souli, qui a été elle aussi réprimée très durement. Et là, une révolte s'en est suivie, et il y a eu des départs de feu. À nouveau, et cette fois-ci, le centre a brûlé entièrement. Les deux centres, en fait, parce que Vincennes, c'est deux centres qui sont collés l'un à l'autre, et les deux centres sont partis en fumée. À ce moment-là, il y avait 249 personnes. À l'intérieur du centre à ce moment-là, et ils ont tous été mis dans différents centres de rétention en France. Donc il y en a eu à Lille, à Rouen, à Nîmes, à Palaiseau, ils ont blindé tous les autres centres disponibles. Ce qu'il faut savoir, c'est que le fait d'avoir perdu 280 places d'un coup, ça a fait que pendant l'été, et ça s'est vraiment ressenti, c'est pas qu'il y avait plus de rafles, mais il y a eu beaucoup moins de rafles, les tribunaux étaient beaucoup moins engorgés au passage des JLD, et ça a mis un réel coup d'arrêt. Ça a vraiment ralenti la machine, ça a fait un réel coup d'arrêt perceptible jusqu'à ce qu'il réouvre le 11 novembre 2008, donc à peine 4 mois après, quoi. Donc voilà. Alors, pour les suites, Pour les suites, tu nous parles de ce qu'il en est là aujourd'hui. J'attendais la question, mais j'enchaîne. Tu veux dire un truc? Ouais, non, juste te dire quand le centre il avait brûlé aussi. Bon, tout avait été fait aussi pour et limite ça aurait pu se passer super mal parce que tous les gens ils ont été rassemblés dans un gymnase, ils ont été gazés, ils ont été tout ça, et donc il y aurait pu avoir parce qu'ils voulaient pas absolument pas libérer les gens, et donc à ce moment-là, il y avait énormément de personnes qui auraient pu mourir à ce moment-là. Bon, ils ont tout fait pour empêcher les personnes d'être libérées coûte que coûte. Voilà, en les enfermant dans un centre alors que c'était en train de cramer à côté, quoi. Bon, finalement, ils ont réparti les gens à droite, à gauche. Et ce qui s'est passé, c'est que ils l'ont fait en urgence, en panique. Au niveau législatif, c'était complètement, c'était pas du tout assuré. Donc, quasiment tous les gens qui étaient enfermés à l'intérieur du centre, finalement, ils ont été libérés. Mais ils ont été libérés aux quatre coins de la France, souvent sans aucune affaire, sans rien. Et c'est vraiment heureusement un peu à des gens à droite, à gauche, qu'ils ont pu retrouver le minimum, même pour remonter en région parisienne et retrouver, avoir des contacts, etc. Parce qu'il y avait des gens qui étaient débarqués au milieu de nulle part, sans savoir, sans plus aucune affaire, sans quoi que ce soit. Les seuls chiffres qu'on ait par rapport aux libérations ou non et aux expulsions des personnes qui étaient dans le centre au moment de la révolte, c'est que sur les 100 détenus qui ont été transférés à Nîmes, 7 seulement ont été expulsés et tous les autres libérés à Nîmes et n'ont pu remonter sur Paris que grâce à l'aide de collectifs locaux. Qui leur ont donné le minimum pour pouvoir remonter, sachant qu'ils étaient débarqués à Nîmes quasiment sans chaussures, sans aucun, on leur a pas laissé de temps de prendre leurs affaires par exemple dans le centre qui brûlait. Et justement, c'est important à mon avis d'insister là-dessus sur le fait qu'ils ont libéré personne et qu'ils ont essayé de transférer tout le monde en urgence comme ça. Parce que c'était une volonté assez claire de l'État de dire c'est pas parce que vous brûlez votre prison qu'on va vous libérer. Et ça s'est vérifié par la suite que non seulement on va pas vous libérer, mais en plus on va essayer d'en inculper certains pour cet incendie, quoi. Et du coup, ça fait le lien avec la suite. Ce qui s'est passé par la suite, c'est que donc après que tous ces gens soient transférés, puis pour certains, pour la grande majorité, libérés, les petits flics de toutes sortes et notamment scientifiques sont venus faire des petites constatations sur les débris du centre de rétention assez rapidement et ils ont essayé de trouver des choses pour inculper des gens et pour faire porter cet incendie à quelques-uns. Et donc du coup il y a une dizaine de personnes qui a été inculpée, mis en examen suite à l'incendie. Essentiellement sur des témoignages de policiers, c'est-à-dire des témoignages de flics qui travaillaient dans le centre et qui avaient constaté pendant les deux jours qu'on précédait des grandes gueules, des gens qui voulaient un peu moins écouter que les autres, des gens qui, selon les flics, incitaient à l'émeute, etc., ou simplement n'étaient pas contents. Et puis sur les vidéosurveillance du centre de rétention. Et du coup, à partir de ces éléments-là, ils ont inculpé des gens qu'ils ont commencé à chercher partout. Donc certains, je ne vais pas faire le détail, mais certains ont été arrêtés à la sortie du centre où ils avaient été transférés. Dès la sortie, ils ont été arrêtés, puis ramenés à Paris, puis mis en garde à vue pour l'incendie. Certains ont été arrêtés plusieurs mois plus tard. Certains ont été arrêtés dans le mois qui suivait grâce à une surveillance de leur téléphone portable. La géolocalisation du téléphone. Voilà, c'est ça. Voilà, du coup, comme ça, ils ont pu arrêter 9 personnes. Il y en a 2 qui n'ont jamais été retrouvées, tant mieux pour eux. Et du coup, ils les ont tous mis en détention préventive. Donc, il y avait un juge d'instruction qui a été nommé, etc. D'ailleurs, le juge d'instruction, c'est le même, c'est Monsieur Nguyen T, et c'est celui qui avait déjà fait qui est connu pour avoir demandé a arrêté les gens dans le foyer Terre au Curé au mois de février 2008, par exemple. Enfin, il a aussi été dans le... ça a été un juge d'instruction. Alors, c'était suite au décès de Lamine Dieng. Il y avait eu des émeutes dans le quartier de vers Belleville. Aux Amandiers, dans le 20e arrondissement. Voilà. Et il a été, et c'est lui aussi qui était sur cette affaire-là par rapport aux émeutes. Oui. C'est pas pour Lamine Dieng, c'est pour les Amandiers, en fait. Ça, c'est voilà. Enfin, il est déjà connu et à chaque fois, ils sortent le même. Quoi. C'était aussi le même procureur, d'ailleurs. Enfin, voilà. Le procureur Flamme, qui s'occupe du dossier des inculpés de Vincennes. Donc voilà, donc il y a 10 personnes qui sont inculpées. Il y en a un qui va être incarcéré à Fresnes et qui va bénéficier d'un non-lieu suite à une histoire pas très drôle qui a permis en fait ce non-lieu. C'est que donc il était incarcéré et il s'est fait tabasser dans des circonstances évidemment non élucidées, puisque l'administration pénitentiaire aime pas trop élucider ce genre de cas. Et il s'est fait tabasser dans sa cellule. Il a été, je crois, 2 ou 3 mois dans il le coma. Il a été de novembre à février dans le coma. Donc, il suffit de compter, quoi. Ça fait 4 mois. Voilà. Et il s'est réveillé. Là, il va être certainement lourdement handicapé pour très longtemps. Il est toujours handicapé et toujours hospitalisé. Et du coup, suite à ça, il a bénéficié d'un non-lieu et a été sorti de l'affaire. Et tous les autres donc ont fait entre 3 mois et 12 mois de détention préventive, puis ont été libérés successivement pardon, les uns après les autres. Voilà pour l'instruction. Sachant que pendant l'instruction, les avocats ont fait énormément de demandes de voir des pièces du dossier, notamment des expertises scientifiques sur les départs de feu, notamment l'ensemble des vidéos surveillance du centre. Parce qu'il y a l'accusation qui s'est basée sur un montage de 30 minutes qui a été fait à partir des 35 heures de vidéosurveillance du centre. Et c'est à partir de ce montage de 30 minutes que les gens ont été inculpés. Donc les avocats disaient, voilà, nous on veut voir toutes les vidéos. Ils ont fait plein de demandes comme ça qui ont toutes été rejetées en bloc. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur l'instruction ? Non, c'est tout. Et que le dernier inculpé avait été retrouvé en juin 2009 et au moment de la fin de l'instruction, il était toujours en préventive et que au moment du procès, au début du procès, il comparaissait détenu et que l'un des enjeux du moment du procès était de le sortir, quoi. Et du coup, il a été libéré effectivement le troisième jour du procès. Et ça correspondait à la fin de... Un peu, ouais. Je vois qu'il ne reste plus trop de temps, un peu le procès, là, surtout le 17 mars. Là. Ouais, on va raconter rapidement le procès parce que les imbroglios juridiques, c'est un petit peu pénible. Mais du coup, pour dire que ben, ce procès, il a eu lieu... il devait avoir lieu le 25, 26 et 27 janvier. Ils avaient prévu 3 jours de procès alors qu'il y avait 10 inculpés, autant d'avocats, énormément de témoins cités par la défense. Donc clairement, ils savaient qu'ils n'auraient pas le temps. Ils voulaient expédier ça très rapidement. Ça a quand même un petit peu mobilisé. Il y a eu donc le collectif de solidarité avec les inculpés de Vincennes qui a essayé de mobiliser. Un truc important qu'on voulait dire et qu'on dit à chaque fois, c'est que nous, on s'est monté en collectif aussi, évidemment en solidarité avec ces gens, mais pour continuer la lutte contre les centres de rétention, et que dès le départ, on a dit, voilà, ces gens ont été pris au hasard. Il ne s'agit pas de savoir s'ils ont vraiment fait ce qu'on leur reproche ou pas. De toute façon, qu'ils l'aient fait ou pas, on est solidaire avec eux. Et en plus, on trouve que avoir détruit un centre de rétention, c'est la meilleure réponse à la politique. Répressive, etc., et de contrôle de l'État. Du coup, voilà, c'est sur ces bases-là qu'on était solidaires avec eux. Donc le procès s'est ouvert le 25. Il y avait pas mal de monde au départ. Et dès le départ, les avocats ont essayé de faire des petits scandales sur la taille de la salle qui ne pouvait pas contenir tout le monde. et évidemment sur toutes les pièces qu'ils avaient demandées, qui ont été rejetées, etc. Du coup, ils voulaient demander le renvoi. Ce qui s'est passé, c'est que ça, évidemment, la juge du Tartre a refusé de renvoyer. Elle a refusé aussi de se dessaisir suite à une demande qui avait été faite, dont je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, voilà, elle a dit je continue le procès comme bon me semble. Et du coup, ils ont demandé quand même ils ont refait leur demande de voir l'ensemble des vidéos, ce que le proc a accepté et donc la juge aussi. Ce qui a fait que le procès a été rallongé pendant 3 semaines, les 3 premiers jours des 3 semaines qui suivaient. Du coup, ça faisait 9 jours de procès et les dates ont été fixées sans consultation de la défense. Du coup, scandale, les avocats disent c'est pas possible, on n'a pas été consultés, on peut pas venir, vous voulez faire tenir le procès sans nous, si c'est comme ça, on viendra plus. Et du coup, il y a eu un procès un petit peu bizarre qui s'est tenu dans une salle complètement vide, puisque par la suite, donc, au moment où les avocats sont partis, tout le monde est parti avec eux. Donc il y avait dans la salle plus de prévenus, plus d'avocats de la défense, plus de public. Du coup, une juge, 2 assesseurs et un procureur qui regardait un écran vidéo divisé en 8. Et pendant 3 jours, il y a des vidéos des vidéosurveillance du centre de rétention qui ont été diffusées sur un écran. Donc je laisse imaginer l'ambiance qu'il y avait dans la salle de tribunal. Voilà. Et ensuite, il y a eu 3 jours où les témoins de l'accusation ont été auditionnés. Donc des témoignages de policiers qui ont été lus, puis des policiers qui ont été entendus, puisque un certain nombre d'inculpés avaient comme chef d'inculpation violence sur agents de la force publique. Voilà, et à l'issue de ce procès qui a été finalement assez long, il y a eu les réquisitions du procureur Flamme qui a demandé entre six mois avec sursis, et 3 ans ferme. Voilà. Donc des réquisitions quand même assez lourdes par rapport à ce qu'ils ont déjà fait quand même. Du coup, ils risquent évidemment, si la juge suit les réquisitions et on pense qu'elle va les suivre et peut-être même aller au-delà, ils risquent de retourner en tôle, quoi. Et le délibéré de ce procès, ce sera le 17 mars, c'est-à-dire mercredi. Et donc on appelle à venir au tribunal à 13h30 pour... soutenir les inculpés qui risquent du coup, étant donné que des mandats d'arrêt ont été demandés, qui risquent de se faire rechercher, arrêter et réincarcérer. C'est à Cité, c'est ça, hein ? C'est ça. Du coup, on donne rendez-vous à la 16e chambre à 13h30, mercredi, à Cité. Et vous aviez aussi l'annonce d'une manifestation, on en profite parce qu'on va bientôt quitter, alors pensez à appeler les gens. Ça veut dire que c'est, même si ces centres ils ont été détruits, il y en a d'autres qui se construisent, il y en a beaucoup, un certain nombre de programmes de construction de centres. Vincennes, il a été reconstruit partiellement, la situation elle reste toujours très dure pour les gens qui sont enfermés, prêts à être expulsés, etc. à l'intérieur. Donc, il se passe toujours des choses dures dans les centres de rétention. Il y a toujours des gens qui ont besoin de solidarité à l'intérieur. Et le 20 mars, c'est ça, il y a une manif contre l'inauguration du Ménilmontant. Et ouais, en fait, c'est le 20 mars, il y a un collectif qui appelle à manifester contre l'ouverture du nouveau centre du Ménilmontant. C'est donc le 20 mars à 15h30 devant le nouveau centre de rétention, devant l'ancien centre du Ménilmontant. Donc en fait, avant, le Ménilmontant était dans l'enceinte de l'aéroport, en fait, à côté du village du Ménilmontant. Et ça fait 2 ans et demi, je crois, maintenant, qu'ils entamaient la construction d'un nouveau centre plus grand, plus sécurisé, plus efficace, donc pour leur contrôle, avec une cité judiciaire d'ailleurs juste à côté. Comme ça, ça évite de les faire bouger trop. Et ce centre devrait ouvrir à la fin mars. Et donc, il y a un collectif qui appelle à manifester devant, quoi. Le 20 mars. Donc, rendez-vous le 17, si vous voulez, à 13h30, donc, au tribunal à la 16e chambre, le samedi 20 aussi, donc. Et puis, peut-être que vous aurez l'occasion de rencontrer des copains du collectif pour peut-être avoir des informations supplémentaires, puisqu'on avait, on en a parlé en introduction, sachant qu'il se passe des choses aussi au niveau du centre de rétention de Bordeaux, de Toulouse, qu'il y a eu des choses qui se sont passées aussi à Nantes, qu'il y a en Angleterre, en Australie et en Italie. Donc il y a un certain nombre d'informations à se relayer, puis de la solidarité, et puis des discussions encore peut-être à avoir de nouveau tous ensemble. Justement, samedi, on n'en a pas parlé parce que, bon, effectivement, on est aussi dans la jungle des luttes, donc de toutes les luttes. Mais bon, donc nous, le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte, on est plutôt concentré sur la question des apatistes, mais aussi de toutes les luttes qui, justement, notamment se joignent au sein de l'autre campagne au Mexique. Donc on était aussi dans cette marche le samedi pour lui manifester notre colère, notre indignation, notre rage contre la répression. Et donc c'est un peu des sans-visages aux sans-papiers, ce qui avait été le nom de notre balade. Mais c'est aussi donc à travers toutes ces connexions qu'on peut essayer un peu de mener des fronts de lutte. Et donc du coup, on aura peut-être l'occasion de vous réinviter, si vous voulez, pour parler de ce qui se passe aussi en Europe. Et puis tous ceux qui veulent venir donner des informations. Donc on n'est que tous les troisièmes lundis du mois sur FPP. Donc je rappelle quand même que sur le cspcl.ouvaton.org, vous pouvez récupérer les anciennes émissions, donc nous réécouter. Il y a le lien Jungle des luttes. On vous plein a d'infos aussi sur le site. Voilà, ceux qui sont plus. Les mercredis, on est tous les mercredis à 20h30 au 33 rue des Vignoles. C'est une assemblée ouverte. Vous pouvez donc nous rencontrer. Le 1er avril, la rôtisserie, donc rue Sainte-Marthe, si vous voulez venir déguster le bon repas que l'on vous aura préparé. On ne connaît pas encore le menu, mais ce sera en soutien avec Vocal, voix de Oaxaca construisant l'autonomie, la liberté. Donc Oaxaca qui est l'état, un état voisin du Chiapas au Mexique. Et donc on a déjà eu l'occasion ici plusieurs fois de vous parler de la lutte de ces peuples indigènes. Voilà, et c'est à l'occasion du passage d'un copain de Vocal en France, justement, en ce moment, en tournée, voilà, qu'on a reçu la semaine dernière au CICP. Et juste pour rappeler, c'est vraiment si mercredi, il y a des gens qui veulent venir, n'hésitez pas à passer au comité. Enfin, nous, on fait des... là, en ce moment, on essaie, y a une semaine de solidarité aussi avec le Mexique, qui va s'étendre après aussi, où on aimerait essayer de faire aussi des choses par rapport au projet, aux menaces touristiques là-bas, sous prétexte d'écotourisme, sous prétexte de plein de choses, d'expulsion d'un certain nombre de villages de leur terre, etc. Et donc, on aimerait faire des choses là-dessus, passer, nous voir, essayer de suivre, parce que c'est dur la situation. Et puis à bientôt. Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est effectivement extrêmement tendu, de la même façon ici que ça se resserre. Là-bas, ça se resserre pas du tout. C'est quand même très offensif et assez dur. Donc mercredi 20h30 au comité 33 rue des Vignoles, si vous voulez nous retrouver tous les mercredis. On remercie les copains du collectif de solidarité avec les inculpés de Vincennes, Diabé pour le collectif des sans-papiers de Montreuil, et puis Bakary qui est sur le piquet de grève, donc rue Auger. Si vous avez besoin d'infos, il y a toujours le comité qui pourra relayer les infos. Merci à vous tous d'avoir été là à présent autour de la table. Merci à Pablo et Magali pour la technique. On se quitte vite fait avec l'hymne zapatiste comme toujours. Et puis, il me semble que les copains de micro-trottoir sont là, prêts, derrière, à prendre la suite. À tout bientôt. Ciao. Salut à tous. À bientôt.